Le duc d'Orléans avait formé contre Anne de Beaujeu, régente, une nouvelle ligue du bien public. François II y avait adhéré. Mal assisté par ses associés et pressé par une armée française, le duc d'Orléans se réfugia en Bretagne, janvier 1487. Les Français vont l'y poursuivre et ils y trouveront des auxiliaires parmi lesquels les proches parents du duc, le maréchal de Rieu, le vicomte de Rohan, Guy XV, comte de Laval et baron de Vitré. Le frère consanguin de celui-ci, François de Laval, gendre du maréchal de Rieu, enfin Alain d'Albret, bien plus François, baron d'Avaugour, fils naturel du duc, que son père a comblé de biens et d'honneurs immérités. Il était écrit que tous les parents du duc se tourneraient contre lui, et plus tard contre sa fille, un seul excepté, le prince d'Orange. Il a reconnu la faute qu'il a commise en 1484 à Montargis. Il est revenu repentant au duc, et il va montrer au duc et plus tard à sa cousine, la duchesse, une fidélité à toute épreuve. Jaloux de l'influence du duc d'Orléans dans le conseil, les seigneurs chefs de la noblesse bretonne s'entendent avec la régente et consentent à ce qu'elle fasse entrer l'armée française dans le duché. Toutefois, à certaines conditions que la régente accepte, mais que, digne fille de son père, elle n'observera pas. L'armée française passe la frontière au milieu de mai. Le 1er juin, elle est à Ploërmel. Le 5 à Vannes, la régente s'est engagée à ne pas assiéger la ville où serait le duc. François II est à Nantes. La régente fait commencer le siège de Nantes le 15 juin, et un des premiers boulets tirés sur la place tombe dans la chambre du duc, qui par bonheur loge en ville. Mais la petite noblesse, les milices bourgeoises et rurales, les bons corps, s'assemblent en tumulte et marchent sur Nantes. Ils sont 60 ou 80 000, c'est trop, on en choisit 10 000, ils font merveille, et le 6 août, le siège est levé. Rappelons ici un souvenir glorieux pour la Cornouaille. Un des héros du siège de Nantes est un Quimpérois, Michel Marion. Il était négociant à Quimper et avait pris la ferme du Billot. Au temps où il allait faire sa recette, il apprend l'entrée des Français en Bretagne. Laissant là toutes affaires, il s'assure d'environ 120 hommes résolus des bons corps, il affrète un navire, il le garnit de vivres, canons et harnois. Mais Quimper est voisin des domaines du vicomte de Rohan et du sire de Pont-l'Abbé. Les gens de ces seigneurs s'opposent aux préparatifs de Marion et le menacent de pillerie et même de mort. Rien ne l'arrête. Quand tout est prêt, à son de trompe et enseigne déployée, le navire part de Quimper. Un vent favorable le porte à Nantes. Là, pendant 2 ou 3 mois, Marion entretient tous ses hommes à ses coups et dépens. Ses compagnons sont de toutes les rencontres et beaucoup meurent au service du duc. Marion lui-même survit à peine quelques jours à ses blessures. À tant de dépenses, Marion avait employé tout son bien et l'argent de sa recette. Et cela ne suffisant pas, il avait emprunté grand nombre de finances et aliéné ses héritages. Son navire même avait été détruit avec tout ce qu'il renfermait. Enfin, Rieux et d'autres ont compris, il en est temps, que la régente les a joués. Ils reviennent au duc. Mais le vicomte de Rohan persiste dans la rébellion et il retient quelques seigneurs au parti français. Parmi ces derniers est Pierre, sire de Pont-l'Abbé. Il s'est jeté dans Concarneau qu'il prétend garder pour le roi. François II finit par lui dépêcher son neveu Jean de Chalon, prince d'Orange, pour le sommer de rendre la place sous peine de voir abattre ses châteaux et couper ses arbres à 6 pieds de terre, 14 février 1488. Le sire de Pont se rendit et quelques mois après, réparant noblement sa faute, il tombait avec son frère, combattant pour le duc et la Bretagne, à Saint-Aubin-du-Cormier, 28 juillet. Aussitôt, en possession de Concarneau, le prince d'Orange y introduisit des hommes sûrs, Yvon de Tréhana, Rieux le Sot, Jean de Cornouailles et autres jusqu'au nombre de 80. Et il leur donna pour chef Hervé Garlot, gentilhomme de Bourgogne, 22 avril 1488. Le 22 juin 1488, le prince d'Orange était nommé capitaine de Concarneau, mais il dut laisser l'exercice de cette charge à Garlot. Son dévouement au duc l'appelait ailleurs. Moins de 2 mois plus tard, il combattait à Saint-Aubin et était fait prisonnier. Hâtons-nous de dire que dans cette fatale journée, les seigneurs nommés plus haut sont rangés sous la bannière bretonne, excepté le vicomte de Rohan. Il commande sans lance dans l'armée française. Il a auprès de lui son frère cadet, Pierre, seigneur de Pontchâteau, et du chef de sa femme, baron de Quintin. Devant lui, dans l'armée bretonne, le vicomte peut voir son fils aîné, âgé de 19 ans, François, vicomte de Léon, pour lequel il ambitionnait la main d'Anne de Bretagne et qui allait être relevé parmi les morts. Le lendemain, la Trémoille, chef de l'armée française, envoyait sommer la ville de Rennes, et les bourgeois répondaient « Les Français ne sont pas invincibles, souvenez-vous de Crécy et Poitiers. Nous sommes ici 20 000 qui feront telle résistance que si le seigneur de la Trémoille et son armée viennent nous assiéger, ils y gagneront autant qu'ils ont gagné devant Nantes l'année dernière. » La Trémoille comprit et n'assiégea pas Rennes. Le mois suivant, François II était contraint de signer le traité du Verger, 19 août, et il mourait 20 jours plus tard, 9 septembre. Anne de Bretagne. Le traité du Verger ne tranchait pas la question, cause ou prétexte de l'invasion française, la question des droits que le roi, cessionnaire de Nicole de Blois, réclamait sur la totalité du duché. Les conditions de ce traité frappaient le duc au cœur comme souverain et comme père. Il cédait à la France, au moins provisoirement, les places de Dinan, Saint-Malo, Fougères et Saint-Aubin, ouvrant la Bretagne à une invasion nouvelle. Il s'engageait à ne marier ses filles sans l'avis et le consentement du roi. Le duc avait essayé d'assurer l'avenir de ses filles orphelines. Note. Leur mère, la duchesse Marguerite de Foix, était morte le 15 mai 1486. Fin de note. Il avait fiancé l'aînée, Anne, à Maximilien d'Autriche, récemment élu roi des Romains, 1486. Et par testament du 2 septembre 1488, il avait donné à la future duchesse et à sa sœur pour tuteur le maréchal de Rieux et pour gouvernante la comtesse douairière de Laval, Françoise de Dinan. Quelque dures que fussent les conditions du traité, Charles VIII prétend les aggraver encore. Il demande notamment qu'Anne ne prenne pas le titre de duchesse avant qu'il ait été statué sur la question des droits qu'il tient de Nicole de Blois. Dans le même temps, sur un signe du roi, et comme pour peser sur la détermination de la duchesse, le vicomte de Rouen menace Guingamp qui résiste, mais il prend et saccage des villes voisines. La duchesse répond 24 septembre qu'elle s'en tiendra au testament de son père approuvé par les États et au terme du traité. Quelle sera la suite du refus opposé au vœu du roi? Sera-ce la guerre? Beaucoup la redoutent en France comme en Bretagne, mais ils trouvent au conflit une solution pacifique. 4 mois après la mort de son père, le 25 janvier 1489, la duchesse aura 12 ans. Elle sera nubile, que le roi l'épouse. Voilà les droits du roi et de la reine confondus, et la paix cette fois définitive. Le roi semble hésitant. Il interroge des hommes dévoués à sa cause, notamment Louis de Laval, frère puiné de Guy XIV et du maréchal de Loéac, et seul survivant des trois frères. À une communication qui lui est faite au nom du roi, Louis de Laval répond par une lettre du 16 octobre, 36 jours après la mort de François II. On lit dans cette lettre « Sire, je ne suis pas des plus jeunes de votre pays, ni de ceux qui ont vu le moins de choses, et suis loyalement tenu vous conseiller. Sire, croyez que si vous ne prenez en votre main le duché de Bretagne, en mariant la fille aînée en la maison de celui que chacun conjoint avoir le meilleur droit, vous serez très mal conseillé, et engendrerez une guerre perpétuelle en France et en Bretagne, car je la conjoins bien, la Bretagne, et sera votre conscience mieux déchargée en faisant ce que je conseille que autrement, et votre royaume en paix. Mais le roi n'écoutera pas ce sage et loyal conseiller, et c'est 3 ans plus tard, après une guerre désastreuse pour la Bretagne, et quand il aura chargé sa conscience de plus d'une félonie, que le roi demandera la duchesse en mariage. » Le 11 décembre 1488 est dressé un acte de déclaration de guerre. Le 7 janvier 1489, il est publié à Paris. Le même jour, sans déclaration faite en Bretagne, l'armée française cantonnée à Dinan et Fougères se met en marche. Nous avons dit que François II avait fiancé sa fille aînée à Maximilien d'Autriche. Mais le tuteur et la gouvernante ont d'autres visées. La comtesse de Laval n'a-t-elle pas imaginé de marier la jeune duchesse à son frère utérin, Alain d'Albret, vicomte de Tartas, et le maréchal de Rieux, leur cousin, dont la fille a épousé François, fils de la comtesse, entre dans cette pensée. Alain d'Albret approche de la 50aine. Il a 7 enfants d'un premier mariage. Son air farouche de soudard suffirait seul à effrayer une enfant dans sa 12e année. D'Albret est ruiné. C'est justement la raison de ce beau projet. Il faut lui assurer la possession du duché. La duchesse résiste aux obsessions de son tuteur et de sa gouvernante. Un jour, elle chassera celle-ci de la cour. Quant au maréchal, il se séparera brusquement de sa pupille. Il lui refuse l'entrée de sa bonne ville de Nantes, et la duchesse va sans lui prendre la couronne à Rennes le 9 janvier 1489, le surlendemain de l'entrée des Français en campagne. La tâche leur sera facile, la défection du maréchal va paralyser la résistance. Le vicomte de Rohan est un des chefs de l'armée d'invasion. Il s'empare de Tréguier. Il assiège, emporte et pille Guingamp, et il contraint les habitants à lui fournir des munitions de toutes sortes pour aller, sur l'ordre du roi, assiéger Concarneau. Il en est maître du 1er au 15 février, et sans perdre un moment, il court à Brest, qui tombe par surprise. À cette extrémité, la jeune duchesse s'adresse au roi d'Angleterre. Henri VII lui promet un secours de 6 000 hommes à des conditions onéreuses, c'est l'habitude des Anglais. 2 de 5 places indiquées, notamment Concarneau, devront être remises au roi d'Angleterre comme gage du remboursement de ses dépenses. Il aura, comme maître, la jouissance de tous leurs revenus et ses successeurs après lui. Dès le mois de mars, les Anglais débarquent en Bretagne. Ils se disent 12 000 et les Bretons le répètent pour relever le courage des leurs. Sur l'ordre de Charles VIII, les Français se retirent et se fortifient notamment à Concarneau et à Brest. Et, en attendant d'autres troupes, le roi fait entrer en Bretagne un corps de 2 400 hommes, dont un des chefs est le capitaine Guineuf. Rohan a prévu le siège de Concarneau, il en juge les remparts insuffisamment armés et défendus. Il envoie dans cette place de l'artillerie des munitions de guerre et des vivres, et lui donne pour capitaine Claude de Montfaucon. Peu après, Brest et Concarneau étaient assiégés en même temps par les Bretons et les Anglais, et on peut dire qu'à ce moment, les yeux de la Bretagne, de la France et de l'Angleterre étaient fixés sur ces deux places. À ce moment, Jean du Quélennec, amiral de Bretagne, travaillé par Charles VIII et rebelle aux ordres de la duchesse, armait une flotte pour combattre la flotte anglaise et couvrir Brest par mer. La duchesse le destitua de sa charge. Par contre, en même temps, le maréchal de Rieux revenait à la duchesse, à la sollicitation de Henri VII, et formait le projet de reprendre Brest. Il vient l'assiéger par terre, pendant que 60 vaisseaux bretons bloquent l'entrée de la rade. Mais Rieux a compté sur une obéissance dont il ne donna pas toujours l'exemple, et beaucoup de nobles ne répondent pas à son appel. Toutefois, il poursuit le siège et le blocus. C'est en vain que pour l'attirer loin de Brest, Rohan répand le bruit qu'il va faire lever le siège de Concarneau, le maréchal s'obstine devant Brest. Mais une flotte française se montre devant la rade, la flotte bretonne se disperse. Quoi que fasse Rieux, l'armée de terre se débande et le siège est levé. Cependant, les Anglais avaient établi devant Concarneau un siège en règle. Ils occupaient apparemment la presqu'île entre la rivière de Moreau et l'anse de Boudwick, où la tradition garde encore le nom de butte aux Anglais. Note, c'est ce point que nous avons vu dit fort des Espagnols par l'auteur des Essais. Voir ci-dessus, page 116. Fin de note. La levée du siège de Brest entraîne la retraite des Anglais de Concarneau et les Français peuvent de nouveau le ravitailler. Mais revenant devant Concarneau avec les Anglais, le maréchal de Rieux reprit la place, juin 1489. Selon les conventions, elle fut remise au roi d'Angleterre qui nomma plus tard un capitaine Jean Nothomb, 21 mars 1491. Voilà les faits dans leur vérité, et on a interverti les rôles quand on a montré le maréchal de Rieux allié aux Anglais, ennemi de la duchesse. Rieux et les Anglais combattaient pour elle à ce moment. Après quelques faits de guerre, auxquels la place de Concarneau est étrangère, la paix est signée à Francfort entre Charles VIII et Maximilien, et la duchesse y est comprise, 22 juillet 1489. Mais le maréchal prétend ne pas accepter cette paix, et encore une fois devient rebelle. La duchesse est réduite à faire marcher contre lui le prince d'Orange avec tout ce qu'il peut lever de troupes. Enfin, Rieux se rend, mais il ose faire acheter chèrement son retour au devoir. La paix de Francfort confirmée, 15 octobre, la duchesse épouse par procuration Maximilien, reine, 19 décembre 1490. Mais d'Albret a sa vengeance prête. Il ouvrira le duché à l'armée française et rendra toute résistance impossible. il vend au roi la ville de Nantes, dont il va s'emparer en pleine paix. La première condition de ce marché, c'est le don de la main de la duchesse pour lui-même ou pour son fils. Le roi accepte et jure les conditions de ce honteux marché, 2 janvier 1491, sauf à ne pas les tenir. Le 4 avril 1491, Charles VIII fait une entrée solennelle à Nantes, sanctionnant ainsi la trahison de D'Albret. Mais il n'en paiera pas le prix convenu. Quelques mois plus tard, quand l'armée française sera maîtresse de la plus grande part de la Bretagne, le roi demandera la duchesse en mariage. La paix est conclue le 15 novembre 1491. Et le 6 décembre, Anne se résigne à mettre sa main loyale dans la main du roi qui a signé tant de traités de paix et l'odieux marché de Nantes, tous violés par lui. Charles VIII aurait été bien ingrat s'il n'avait pas payé les intrigues et les trahisons du vicomte de Rohan. Au début de 1491, il l'avait fait lieutenant général en Bretagne. Mais ce titre ne suffisait pas à l'ambition du vicomte. Il espérait bien plus, il aura beaucoup moins. Le mariage du roi avec la duchesse amène un changement à vue. La duchesse n'est pas entrée en vaincue dans la couche royale. Elle monte sur le trône en souveraine. Rohan est remplacé comme lieutenant général par le prince d'Orange. Mais Rohan ne renonce pas à son rêve ambitieux. Le roi de France ne lui a pas donné le duché de Bretagne, il essaiera de l'obtenir du roi d'Angleterre. Il change ses batteries. Et dès 1492, il ourdit ce complot breton dont un bourgeois de Morlaix tient les fils. Il s'agit de livrer la Bretagne à l'Angleterre pour que le vicomte soit duc de Bretagne. Et le premier acte d'exécution, c'est de livrer à l'Angleterre Brest et Concarneau. Le capitaine de Brest est acheté, tout semble en bonne voie, mais le roi d'Angleterre a un moment d'hésitation. Charles VIII est mis au courant de tout et pardonne au vicomte cette trahison nouvelle en faveur apparemment des trahisons antérieures dont le roi de France a profité. Ce n'est pas de la faute du vicomte de Rohan si Concarneau n'a pas subi un siège de plus. Nous avons vu Claude de Montfaucon nommé capitaine pour le roi en 1489, et en même temps nous avons nommé un capitaine d'une compagnie d'infanterie française entrant en Bretagne, Guy Neuf. Il semble bien que c'est lui que nous trouvons en 1493 au service du roi en Bretagne. Du moins, trouvons-nous 2 ans plus tard à Concarneau un capitaine nommé Guinen ou Guineux. Il comparaît à l'inventaire de l'artillerie de Bretagne fait par Girardin de Billy par commission du roi. Billy dressa l'inventaire de Concarneau le 2 juillet 1495. Il résulte de cet acte qu'il y a de l'artillerie déposée un peu partout, dans l'église Saint-Guénolé, au vieux château, dans la vieille tour près du moulin, au moulin, sur la tour près du faubourg, sous les halles, au logis du procureur. Elle consiste en 12 couleuvrines, dont plusieurs longues, et une grosse à teste de serpent récemment achetée à Rennes, 3 canons, dont un gros en fer, un mortier monté, 2 faulcons de fonte. La maison du capitaine est un arsenal. On y trouve 2 arquebutes accros au roi, 4 arquebutes au capitaine, 2 boulets pour servir la grosse couleuvrine à teste de serpent, 1 saumon de plomb pour faire des balles, la maison du procureur et la poudrière. Au haut de la vis, l'escalier, il y a 13 barils et 2 quarts de pipe de poudre, de quoi faire sauter la maison et ses voisines. Dans une autre maison, près du moulin, il y a 5 barils de poudre. Peu de places de Bretagne sont mieux munies que Concarneau, et une garnison aguerrie, même peu nombreuse, pourra faire bonne contenance derrière ses murailles neuves et artiller de gros canons. Charles VIII meurt prématurément et sans enfant le 7 avril 1498. Or, une des conditions de son mariage avec la duchesse est que, si le roi meurt sans enfant, la reine épousera son successeur ou le plus proche héritier de celui-ci, s'il lui plaît et si faire se peut. Mais le successeur au trône est le duc d'Orléans. Il a 36 ans, son âge n'est pas un obstacle à son mariage, mais il y a un empêchement. Le duc est depuis 17 ans époux de Jeanne de France, sœur de Charles VIII. Ce second mariage est comme le premier de l'intérêt commun de la Bretagne et de la France. S'il ne s'accomplit pas, la guerre reprendra un jour. Louis XII, bien résolu à cette union, craint-il quelque hésitation de la part de la duchesse. Quoi qu'il en soit, comme en gage de l'exécution de la clause du contrat de mariage avec Charles VIII, il retint 5 villes bretonnes, Nantes, Fougères, Saint-Malo, Brest et Concarneau. La reine protesta, le roi tint bon, le 19 août 1498, moins de 5 mois après son veuvage, Anne s'engagea par une promesse formelle à épouser Louis XII s'il obtenait l'annulation de son mariage et les dispenses à raison de parenté. À ces conditions, le roi rendit Saint-Malo, Brest et Concarneau, en retenant Nantes et Fougères pour sûreté et accomplissement du mariage. Nous avons dit plus haut que, selon toute apparence, Anne de Bretagne a construit une grosse tour à Concarneau. Il n'est pas probable qu'elle ait jamais vu cette ville, mais les habitants de Concarneau ont vu et acclamé leur souveraine. Dans l'été de 1506, la reine vint visiter et consoler son pays et duché, qui lui fit un honneur triomphant et magnifique. Quel fut ce triomphe et quelles furent ces magnificences? Une ovation toute populaire et qui allait au cœur de la duchesse bien mieux que les pompes officielles. L'auteur que je viens de citer compte ainsi ce qu'il a vu. Et est-toi quasi chose miraculeuse de véor par les champs, chemins et bois, si grande multitude d'hommes, de femmes et petits-enfants qui accourroient pour véoir leur dame et maîtresse, regraciant Dieu de quoi il lui avoit pleu envoyé la dite dame pour visiter sa contrée et duché. La duchesse partit de Nantes pour aller au Folgouët et rentrer en France par Vitré, fit ainsi le tour de la Bretagne entre deux haies de bretons fidèles. Lorsqu'elle va de Quimperlé à Quimper, nul doute que les habitants de Concarneau, comme les autres, ne soient allés la saluer à son passage. Pourquoi cet amour unanime et enthousiaste des Bretons pour celle qu'ils nomment la bonne duchesse? C'est bien simple. Ils savent, ces braves gens, deux choses. Qu'en épousant le roi Charles VIII, la duchesse leur a rendu une bonne paix définitive, et qu'en dictant les conditions de son mariage avec Louis XII, elle a sauvegardé les droits et les privilèges de la Bretagne. Quel étonnement pour les Bretons contemporains de la reine Anne si on leur eût dit, dans 4 siècles, « Des Bretons et de bons Bretons, vos fils, diront en prose et en vers, pour le bien de la Bretagne et pour son avenir, Anne devait épouser un Breton, Rieux, Laval ou Rohan. Mais non, elle a vendu le sol natal pour se parer du diadème royal. » Erreur. Nous sommes après le traité de Rennes, 15 novembre 1491. Le roi Charles VIII a demandé la main de la duchesse, elle l'a refusée une première fois, mais sollicitée par ses plus fidèles conseillers, elle hésite. On ne voit pas que personne alors lui ait dit « Épousez donc un Rieux, Laval ou Rohan !» Disons d'abord qu'elle n'a pas à choisir entre ces trois maisons. Les Rieux et les Laval n'ont pas un prétendant à offrir. Le vicomte de Rohan, c'est audace autant que maladresse, a osé demander la duchesse pour son fils Jean, devenu l'aîné qui, le 1er octobre précédent, vient d'avoir 15 ans. Eh bien, que ne l'a-t-elle épousé, dit-on aujourd'hui? Les gens sages, en 1491, pensaient autrement. Pourquoi? Parce que pour la duchesse, accepter dans l'avenir le titre de vicomtesse de Rohan, c'était renoncer, et dans un bref délai, au titre de duchesse de Bretagne. Ce mariage fait sans l'assentiment du roi va déchaîner la guerre sur le duché. Mais dira-t-on, le puissant vicomte de Rohan, traître à la duchesse la veille, sera le plus ferme appui de la duchesse devenue sa belle-fille. Soit, mais ramènera-t-il à elle tous ceux qu'il a engagés au service de la France? Non. Et quand il aurait ce succès, la Bretagne succomberait épuisée dans une lutte inégale. Il lui faudra signer un traité de paix dont le premier article sera la reconnaissance au profit du roi des droits chimériques de Nicole de Blois. C'est-à-dire pour la duchesse, la dépossession absolue, et pour la Bretagne, la perte de ses franchises, libertés et privilèges auxquels elle tient tant. Donc, il valait mieux pour la Bretagne que la duchesse signât avec le roi Charles VIII un contrat de mariage qu'un traité de paix, qu'elle fût la reine plutôt que la vaincue de la France. 6 ans plus tard, 9 avril 1498, Charles VIII meurt, et en vertu du contrat de mariage, la duchesse est maîtresse incontestée du duché. Elle va dicter les conditions de son mariage avec Louis XII. Or, elle stipule que le duché de Bretagne n'appartiendra pas à celui des enfants qui sera roi, et que s'il n'y a pas d'enfant, il ira à ses héritiers légitimes. Une autre condition, c'est le maintien des libertés, franchises et coutumes bretonnes et au moins en droit, elles ont subsisté jusqu'en 1789. Quand on a vu la bonne duchesse se résigner, malgré ses griefs, à épouser Charles VIII pour sauver la Bretagne de la ruine et de la conquête, puis imposer à Louis XII les conditions de son second mariage, comment dire qu'elle a vendu le sol natal pour satisfaire un intérêt d'ambition ou même de vanité ?